matinale des 18h, l'émission décalée des Fadjets. Bienvenue à tous sur l'émission décalée de Fadjet. On fait un nouveau lancement. J'ai pas l'énergie pour faire bonjour à tous, bienvenue sur Fadjet. Donc je dis un petit bonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus pour la matinale de 18h, une heure ensemble, à faire les foufous. À faire les dingos. Et ça démarre fort. Ah, voilà, là, je peux vous dire qu'on va pas tourner en rond pendant cette heure qui arrive. Avec dans notre équipe l'habituel team, la Dream Team, avec Jocelyn qui est là. Salut Jocelyn. Salut James, comment tu vas? T'es crazy foufou ce soir ou quoi? Je suis totalement crazy, je sors du sport. Donc, ah ouais? L'endorphine est à plein ballon. Ça fait quoi? 16h, 18h de sport là? Ouais, voilà, 16h, 18h, ouais. Deux bonnes heures de sport, voilà, on n'a pas pris sa douche, donc je peux vous dire que l'odeur dans le studio est insupportable. Salut Tristan. Hey les foufous, ça va? Salut. Ça va et toi? Ça va. Voilà, donc une petite émission à trois, hein, après ouais. Toutes ces émissions qu'on a fait où nous étions sept, avec des stagiaires, en veux-tu, en voilà. Oh là non, là c'est vraiment à l'ancienne, quoi, j'ai envie de dire, très groovy, comme le bed sur lequel je parle actuellement. Ouais. C'est ça, ouais. Très tard à l'époque, quoi. Exactement. Je ne connais pas vraiment cette expression, mais je la reconnais. Alors, ce matin, qui n'est pas un matin, qui est une soirée, ce soir. Bien sûr. C'est la matinale, quand même. Passer une heure ensemble. Nous aurons, comme d'habitude, notre éphéméride. Ouais. Hein. Oh, oh, ça, oui. J'imagine que vous attendez tous. Foufou. Les gens veulent l'éphéméride. On aura aussi à la fin notre quiz actu insolite, comme d'habitude, mais on aura aussi la petite chronique de Tristan. Comment on va l'appeler d'ailleurs? Parce qu'on n'a toujours pas défini. Bah écoutez, dites-le sur la page Facebook. Ouais, Comment vous voulez l'appeler? En fait, j'ai repéré des titres d'articles dans la presse nationale et je dis le début de l'article et à vous de deviner la fin. Ça pourrait être devine la fin de l'article dans la presse internationale. Waouh, ça c'est un pur titre. Je prends tout de suite. Ça c'est ouais. Okay. Bah, moi j'ai trouvé ça bien. Je te laisserai faire le jingle, d'accord? Je le ferai. Quand ça sera. Quand ça sera le tour de cette il en faut plusieurs. Il en faut plusieurs. On fera une session, enregistrement de jingle en direct dans l'émission. Oh, c'est ce que fou. Donc, ça sera aux alentours de, je dirais, 18h20, 18h30. Mm-hmm. Comme ça, quelle à vue de nez. Précisure. Ouais, voilà, c'est voilà. Donc, restez de toute c'est façon, fou. Restez jusque 19h. Peut-être un petit point sur vos vies quand même, petit peu, parce qu'on t'avait laissé Jocelyn tout en haut. C'est ça, non, dans un caniveau hier soir. On t'avait laissé tout en haut de ton ascension vers les gratte-ciel de la barmanerie internationale. De l'arbre à chat, le gratte-ciel de l'arbre à chat. Est-ce que t'as fait de nouveaux concours de barman? Ouais, j'en ai fait, mais j'ai pas les sélections attendent encore, donc c'est pas que j'ai pas été sélectionné, c'est qu'on attend la sélection. Je suis allé à Lille, mais je sais plus si on était chez avant ou après, je sais plus. De toute façon, il y a des gens qui découvrent cette émission qui se disent mais quoi, cet homme est barman, mais dis donc, il fait des concours. Ouais, oui, aussi il y a des concours dans le monde du bar. Du bar, ouais. Et juste une question qui me vient là comme ça, à l'international un petit peu ou pas? À l'international, pas encore. En fait, il faut gagner France et après tu vas peut-être à l'international suivant le concours. Non, non, on parlait de bar l'international à Neuf Maisons. Ah, je suis pas allé encore, mais il paraît que Roger tire les bières comme personne. Donc ouais, non, pas encore de voyage. Non, pas encore de voyage. Là, si je gagne le prochain, je suis invité à Angers. Alors, mais non. Ah oui, donc on n'est pas très loin de l'international. Dingo. Comment tu prononces Angers? Angers. Angers. Angers. Angers. You know where is Angers? Yes, in Anjou. Angel Vert. Oula. Et toi aussi, en fait, Tristan, l'international commence aussi à te courtiser. Mais tu sais déjà pas si bien dire en plus, parce que j'attends. Là, je suis dans la shortlist pour peut-être tourner dans une publicité en Suisse avec Roger Federer. Alors dans la shortlist avec Roger? Ouais, j'ai fait une tape, elle a bien plu. On m'a dit, t'es dans la shortlist. Non, mais et il semblerait qu'il y ait Roger Federer dans la pub. Donc, je serai aujourd'hui. En plus, ça va être une marque de renommée internationale. Si Roger Federer, il fait alors, pas n'importe quoi. C'est une publicité pour une box internet en Suisse. Sérieusement? Ah ouais, quand c'est même. C'est un tout petit peu décevant quand même. Très désolé. je serai potentiellement, je mets au conditionnel, un majordome. Voilà. Ah ouais. Mais pour l'instant, là, je suis en train de remplir avec des dates de mon seul en scène, là, puisque j'ai déjà maintenant 4, 5 dates déjà de. C'est quand déjà là, hein. Donc on a la première à Arouet, c'est ça, le 28 février. Ouais, si je ne m'abuse. Qui sont sûrs, c'est après le 21 mars à Voinemont, à côté de Saint-Tré. Il y aura Pichon à la rentrée en octobre. Il y aura Gincourt. Il y aura normalement Alain. Et il y aura normalement Flin. Il y aura Alain et Flin. Ouais, il y aura tout le monde. Ouais, Alain Flin. Ouais. Voilà, il manque Lou. Je suis en plein dans mon Alain travail. Flin, Lou. Oh oui. Ouais. Oh oui. Elle est très, très je, peux la, je peux la garder celle-là. Ah, bien sûr, oh, bien sûr. Moi, toutes mes vannes, je le dis pour les auditeurs, toutes mes vannes sont en cadeau. Sont dans le spectacle. Pour toute écoute de toutes ces vannes sont en spectacle. Donc, oui, on est d'accord qu'on parle là de ton seul en scène que d'autres Tristan appelleraient Bonjour, un one-man absurde. Show. Absurde. Voilà. Qui s'appelle Absurde. Voilà. Ah oui, absurde. D'accord. C'est ton, c'est le premier, c'était. C'est ton deuxième déjà ? Non, c'est mon premier. Mais ton premier, c'était pas 50 ans déjà ou un truc comme ça ? Alors, j'ai changé de nom en fait. Ah, parce que je voulais pas avoir que la clientèle de quinquagénaire. Tu m'étonnes. Donc, je voulais pas que ça fasse référence à 50 ans. Ah si, je fais un 30 minutes au BBC le dernier mardi de février. Ah oui. Ça. C'est à 20h30 au BBC. C'est un bar qui est pas loin de l'UGC Saint-Jean. Et 23, ça sera le 25 février, je fais un 30 minutes. Voilà. Juste avant Arouet, en guise de répète. De quelle heure à quelle heure ? Il fait 20h30, 21h, si tant est que je passe le premier, ou sinon c'est 21h, 21h30. Bon, voilà, donc on peut retrouver toutes ces informations sur ta page Facebook, j'imagine, Tristan Mangeot. Oui, Tristan Mangeot, voilà ou sur Instagram. Facebook, ou sur Instagram, vous tapez Tristan Mangeot, ça devrait pas être difficile. Et n'hésitez pas à y aller, puisque vous aurez un tic-tac oui, voilà. Que vous en tant qu'auditeur Fadjet, hein, vous rappelle que vous avez beaucoup d'avantages, vous pouvez aller au bar Le Cristal et vous avez... 1% de réduction. Oui, je vous mets 1%, je crois. C'est ce qu'on avait conclu. 1% de réduction. En fait, c'est descendu, c'est à 0,8 maintenant, 0,8%. L'inflation, vous connaissez, ouais, voilà. Les auditeurs. Et un tic-tac pour le spectacle de Tristan Mangeot. Avec le code c'est quand même... Fadjet 40 ans, _, mobile TV Sunrise. Voilà, c'est très facile. Aucune faute ne sera tolérée. C'est très facile à reconnaître, évidemment. Et moi qui fais partie d'une troupe d'impro qui jouera le même soir que Tristan, le 28 février, le split à la MJC Libon, sachez que si vous venez en tant qu'auditeur Fadjet, vous pouvez assister effectivement au spectacle. Voilà. Mais si jamais le 28 février vous voulez pas voir de spectacle, vous pouvez venir au bar, on fait une soirée sur le thème de la prohibition. Mais non. Eh, si, ah, c'est intéressant ça, c'est quoi le concept du coup? Bah, j'invite un barman. Il y a pas de prohibe tout. On boit que de l'eau. Non, j'invite un barman de l'hôtel de la Reine, donc du coup palais du gouverneur. Il vient derrière le bar, il amène des cocktails à lui, j'ai des cocktails à moi et on propose une carte éphémère avec tout un décorum, on va être en costume, en chapeau, avec quel des rapport roses. Avec la prohibition? Ah, la prohibition dans les années 30, des années 20, 20 aux États-Unis, d'accord, ok. Et Al Capone. Qui dit carte éphémère dit éphéméride, puisque c'est la suite de cette émission. C'est on va foufou. D'abord. C'est complètement foufou. Voilà, vous voyez que les transitions sont très travaillées sur Fadjet. Et donc, on va écouter Supertramp avec Breakfast in America. Merci. Voilà, c'est Tristan qui l'a demandé. Et on revient pour l'éphéméride de Jocelyn, qui va nous en mettre plein les mirettes. C'est fou. Calling it. Supertramp avec Breakfast in America, petit déjeuner en américain. Toute ma jeunesse. La matinale des 18h, l'émission décalée des Fadjet. L'éphéméride de 18h sur Fadjet. Nous sommes le 13 février 2025, vous écoutez Fadjet Radio. C'est bien c'est un petit peu apaisant, on était calme. Un peu foufou, maintenant on est un petit peu plus calme. Ouais. Puis il n'y a, voilà. a que des petites informations hyper calmes, vous allez voir ce qui s'est passé un 13 février. Déjà nous souhaitons une très belle fête à toutes les Béatrices qui nous écoutent, même ceux qui ne nous écoutent pas on leur souhaite parce qu'on est bien comme sûr, ça ici. Bien sûr, si vous aimez une Béatrice... Souhaitez-lui sa fête. Mais oui. Ah ouais, Béa. Ouais, ouais, qui joue à la Lila à Lille que j'adore. D'accord, voilà. Tristan. Eh ben, on lui souhaitera avec grand plaisir une très belle fête. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé un 13 février? Vous avez des petites infos ou pas du tout? Oui, Wagner est mort. Wagner est mort, exactement. Exactement. Mais il n'y a pas que lui. Et est-ce que vous savez qui est Catherine Howard? Est-ce que c'est un rapport avec Philippe Catherine? Non, est-ce c'est que en 1542. Avec... 1542. Ah, oui, non, c'est une reine d'Angleterre? Exactement, c'est l'épouse du roi Henri VIII d'Angleterre et elle a été exécutée. Est-ce que vous savez pourquoi? À cause de Jeanne d'Arc? Non. C'est pour une raison. Elle a trahi, non? Elle a trahi en quelques. Oui, elle c'est a trahi, une façon de trahir. Elle a trahi ses valeurs. Elle a trahi ses. Non, elle a... c'est... si son mec, c'est ses valeurs. Elle a... Ah, elle a trahi son homme. Exactement. Elle l'a trompé. Exécution pour adultère. Ah oui, c'était quand même. Ah oui. Oui, rigolez pas. Ah oui, d'accord. Donc, et ce qui est rigolo, c'est que je suis sûr qu'il n'y a que elle, et non pas l'amant, qui a été désingué. Ah ouais, tu penses? Oh, moi, je pense qu'il a été. Aussi, ouais. Bah, d'accord. En vrai. Je pense que c'est, si ça aurait été écrit, okay, okay. Adultère avec un autre roi, wow, là on aurait entendu parler. Ah oui, avec un autre roi en plus. Là je pense que c'est un gueux, tu vois, le gars il est mort. Là je pense pas que ça soit un gueux. Hein, ah ouais à l'époque, les gueux, ils étaient vraiment gueux-gueux. Hein. Ouais, ouais. Bah, c'était gueux-gueux. Ouais. Complètement gueux-gueux. Bon, en tout cas, elle fut exécutée. Il y a également la cathédrale de Reims. Qui a été exécutée qui a été sacrée. Est-ce que vous savez le nom de ce roi de France en 1575? François 1er. Non. Non. Henri IV. Non. Non, Louis XIII, Louis non, XI. Non, c'est un Louis. Henri V. Non, c'est pas un Louis. Non. Charles. C'est Henri, Charles c'est VII. Henri, mais c'est pas 5 ni le 4. Henri Ier, Henri II. Bah, c'est Henri III, en fait. C'est Henri III. Henri III. Oui, parce Henri que Henri IV, c'est plus tard. Cathédrale de Reims, devenant roi de France en 1575. C'était un 13 février, vous le saviez, bien sûr. En 1800, la création de la Banque de France par qui? Attends, je le connais. Créé. La il Banque s'appelle... de France en 1800. En 1800. Napoléon. Napoléon. Ah oui, d'accord. Je pensais que tu parlais du premier régisseur, mais d'accord. Oui. Est-ce que vous savez gouverneur. Est-ce que vous savez voilà, régisseur, c'est pareil. Régisseur, non, mais c'est pas pareil, ça n'a strictement rien à voir. T'es un chauffeur de salle. Oui. Le régisseur de la Banque de France, oui, il chauffe les salles, ouais. Mais oui, il prépare tout, il chauffe les salles. Il rentre, il dit ah, tu me diras, tu me mettras le compte. Et en dernier titre, tu mets Sardou, ça marche toujours. Petite coupure. Les frères Lumière déposent le brevet du cinématographe également le 13 février 1895, marquant une étape majeure dans l'histoire du cinéma. On les remercie encore pour ça, c'est très sympa. Merci à eux, ouais. En plus, sans ça, on n'aurait pas pu savoir où était le BBC, puisque c'est à côté du cinéma. Et oui, les naissances célèbres, il y en a eu quand même quelques-unes des naissances célèbres. Oui. Oh, oui. Il y a eu Marie de Bourgogne, duchesse de Bourgogne et héritière de Charles le Téméraire. On se souvient de et qui on est en Charles. Profite pour saluer tous les auditeurs bourguignons comme moi qui nous écoutent. Oui. Qui viennent de Bourgogne et qui sont perdus à Nancy. On les salue. Les Burgondes. Georges Simenon, écrivain belge qui est né. Kim Novak qui également. Qui a fait quoi, Georges Simenon? Commissaire Maigret. Comme ça, Maigret, hein. M-A-I-G-R-E-T, oui. Maigret, bien. Robbie Williams également est né, chanteur britannique, ancien membre du groupe. WAP, ça c'est un son comme ça là. WAP, il WAP. Attends, c'est. Scooby-Doo, BAP, le fameux groupe. C'est les WAM. Non, c'est Texas. Ok, alors pas du tout. C'était peut-être enfin, après. Vous remarquez comme je tape à côté tout le temps là. À chaque fois, vraiment raté sur raté. Mais c'est ce soir aussi. Hein. Ouais. James tape à côté. En 1883, Richard Cœur de Lion. Wagner, compositeur allemand connu pour ses opéras, est décédé. Henri Salvador également nous quitta. Et en 2012, Sophie Desmarais, actrice française, bien sûr. Tu l'as connue? Bah, elle était très connue dans les années 50, Sophie Desmarais. Je ne saurais plus te dire quel film elle a fait, mais je me demande si elle n'a pas fait un truc avec Louis de Funès d'ailleurs. Figure emblématique du théâtre et du cinéma hexagonal. Oui, oui, mais c'était les années 50, c'est... Sophie Desmarais. Oui, c'est dans ces années-là que sa carrière a démarré. Allez, hop là. Fais gaffe, parce que Jean-Michel tape à côté. Dicton du jour, pour finir cette éphéméride est plein de joie. Enfin, on finit, j'en peux plus. à la Sainte Béatrice, mais radis d'hiver, réfort et chaud dans ta pelisse. Ah bon, voilà. Il faut réagir ou pas? Oui, un petit radis d'hiver, réfort et chaud. Radis d'hiver, réfort et chaud dans ta pelisse. J'en ai un deuxième si jamais vraiment. C'est une image en fait. Sinon, j'en ai un second. J'ai de Sainte Béatrice, la nuée assure 6 semaines mouillées. Ouais, ouais, on va moi, prendre... je suis pas certain de ça. Par défaut, on va prendre celui-là, mais bon. C'est foufou, hein. C'est pas. c'est le dicton. Écoutez, je pense qu'on a tous besoin d'une petite pause pour. Il s'est passé une dinguerie aussi aujourd'hui, oui. Pardon. Ah oui, c'est le 13 février, c'est également la journée mondiale de la radio, proclamée par l'UNESCO en souvenir de la création de la radio des Nations Unies en 1946. Ah bah voilà, bah écoutez, mais c'est vrai ça. Le meilleur pour la fin. Oh là là, attendez. Il y a quand même un truc, c'est peut-être aujourd'hui. Ouais, et c'est aujourd'hui que Cécile a eu son permis de conduire aussi. Oui, c'est aujourd'hui. Wow, c'est aussi la fille de Tristan, d'accord, et la compagne de Jocelyn. Mais attendez, c'est magnifique. C'est la journée de la radio aujourd'hui. Oui. Ouais, on vous rappelle qu'il y a eu les 40 ans de Fadjet. Hein, si vous n'avez pas suivi, n'hésitez pas à suivre Fadjet sur les réseaux sociaux. On n'en faisait pas partie, nous, on a été exclus. Ils nous ont pas invités. Non, on ne va pas dire ça parce que je crois qu'on n'a pas répondu. Oui. Non, mais on était occupés. Non, mais nous, on assure tous pour les 40 ans suivants, c'est nous qui allons assurer sur Fadjet. En tout cas, c'était une belle fête de ce que j'ai vu, puisque j'ai un peu regardé le stream. Et on les félicite pour ces 40 ans. Surtout ceux qui ont fait des émissions pendant la nuit. Hein. Et oui, c'était un record absolu. C'est fort. C'est bravo. Donc, on va enchaîner avec ta chronique, Tristan. Allez, dont on rappelle le nom, Jocelyn. Avec la voix. Hein, qui va on avec. Vous dit le début des noms d'articles et vous devez devenir la fin. Voilà. Écoutez, c'est ça qui vous attend dans les 10 prochaines minutes. On se retrouve juste après Kendrick Lamar et Imagine Dragons avec Radioactive. Wow. Et on aura cette chronique dont je vous rappelle le nom. On vous donne les débuts d'articles et vous devez devenir la fin. Exactement. Imagine Dragons, Radioactive. bury me with pride, bury me with berries, that forbidden fruit and cherry wine. Thank you very much, but tonight's my night and I'm buried by swinging for the fences, barbaric Kendrick and out of time. Everything in life subject to change, change whip, change grind, change clone, change opinions right before I change my mind. I don't really know your business, been in this since I was bending Lego block. Now you tell the world about me, dry snitch, tater tots on my shotgun. I gotta pop when nectar starts, sky's the limit, I gotta finish at the first rapper on Mars. Mark my word, I'ma make my mark, even when they start their martial law, even when these Martians alienate my mental state, is still at heart. Fuck, look in my eyes, tell me I died, tell me I tried, took up my mind, tell me you love me, tell me that I don't give a fuck, I can barely decide. Wish you could lift on my enemies, all of my energy go to the almighty God. I can drown in the body with Hennessy, fuck you amenities, I'm getting better with time. I'm waking up. Kendrick Lamar, Imagine Dragons, Radioactive. La matinale de 18h, l'émission en retard sur son temps. On vous dit les débuts d'article et vous devez deviner la fin de 18h. Waouh, ça arrache, c'est hein. Du jingle. Ah ouais, c'est beau ça. Et ouais. C'est que pour toi. On va garder le podcast hein, de ça. Voilà. Je ne serai pas là tous les jours. Bon bah... Allez, j'y vais alors, bah, hein, lancer ouais, comme ça. Donc Tristan, rappelle un peu les règles de ton petit jeu que tu as créé. Tout est dans le titre. Je me suis dit, une fois, j'ai lu un article, je me suis dit, oh, la fin, si on pouvait la détourner, ça changerait totalement. Et donc, je me suis pris au jeu et voilà, j'ai pris des articles de presse qui datent de hier. Et, enfin, je les ai pris hier, mais ils sont récents, quoi. okay. Presse française sur des informations internationales. Et je vais vous lire le début de l'article, à vous de deviner la fin de ce titre. D'accord. De l'article. Donc là, on va partir sur Ouest France, le plus gros tirage en France, je crois, Ouest France. Et le titre, c'est « Face aux vues de Trump sur le Groenland, les Danois lancent une pétition pour... » Racheter la Californie. Oh oui. Ah ouais, tu l'avais déjà. Non seulement il me donne le point, mais en plus m'enlève une question de quiz. Ah merde, non. Bon. Il y a plus de 200 000 personnes qui ont répondu à cette démarche-là. Donc on se rappelle hein, que Donald Trump veut racheter le Groenland. Il aimerait bien accaparer tout le Canada ainsi que le canal du Panama et faire une Riviera à Gaza. Je crois que la liste n'est peut-être pas encore exhaustive. Oui, il doit encore y avoir d'autres choses. Il a émis aussi l'ambition de racheter la ville d'Auxerre. Voilà. Auxerre, ouais. Mais le golfe du Mexique ouais. Aussi, c'est le golfe. Auxerre du Mexique. Ouais. Ah oui, et puis changer le nom. Oui, c'est, c'est vrai. Fait d'ailleurs, c'est fait. Ça a été changé. Et alors, non, et du coup, juste parce que bon, comme bah du coup j'ai vu la news, voilà, j'ai vu la news. Infos que je n'ai pas. Et ils ont, ils estiment qu'il faudra environ 1 trillion. D'accord. C'est-à-dire un millier de milliards. Ouais. Je pense pas que ça se dise comme ça en français. Sachant que la Californie c'est très cher, endettée. Hein, aussi. Non, mais c'est quand même cher une Californie. Hein. Oui, c'est pas l'Iowa. Tout le monde ne peut pas se permettre. Tout le monde ne peut pas racheter la Californie. Je pense même que la France ne pourrait pas trop. Quoi. C'est pas l'Oregon. Quoi, non voilà, plus. Exactement. Non. Voilà. On va sur le journal La Croix, nos chers confrères de La Croix. Et le titre, entre guillemets, puisque c'est une tribune hein, de Benoît Gauthier, le titre c'est l'administration Trump. Choisira-t-elle la confrontation avec qui? Avec oh le blanc. Pardon. Ah, l'administration Trump. Avec Joe Biden. Non. Avec le fils de Musk. Non. Ah oui, le fameux fils de Musk qu'on a vu cheval sur son papa dans le bureau de c'est la ça, Maison Blanche. Ouais. Et pendant 17 minutes, il a parlé sous les yeux. Médusé. Je sais pas comment on peut les qualifier, ouais, médusé de Donald Trump qui ne parlait pas, effectivement. Mais non, c'est pas le fils. Ça aurait pu être ça. Hein, qui... Rappelle le début du titre. Ouais. L'administration Trump choisira-t-elle la confrontation avec... Taylor Swift. Non, et pourquoi? Mais ça aurait pu être Taylor Swift, puisque Taylor Swift, elle était farouchement contre Trump pour Kamala Harris pendant les élections américaines. Mais ce n'est pas... Alors, si je vous donne... ce n'est pas un Américain, ni une Américaine. Ah, c'est le gars c'est Vladimir Zelensky. Zelensky. Volodymyr Zelensky. Non, c'est pas est-ce lui. Que c'est avec est-ce que c'est un homme politique qu'on cherche? Alors, bonne question. Non, c'est pas un homme politique justement. Ah, donc c'est une star du cinéma? C'est une non, pas du cinéma du tout. Musique? Ah d'accord. Non plus, il est pas dans l'art. Hein. C'est quelqu'un de très âgé. Ah, mais c'est avec le Dalai Lama? Avec le pape? Oui, avec le pape. Bien évidemment, avec le pape. L'administration de Trump choisira-t-elle la confrontation avec le pape François? Puisque le pape François a vivement contesté dans une lettre aux évêques américains la politique migratoire de Donald Trump. Voilà. Mmh. Et donc, bah, forcément, ça réagit, vous imaginez bien, dans le bureau de la Maison Blanche. Ouais, vous êtes pas mal, hein, vous êtes très bien. Bah oui, allez, j'ai zéro, merci, moi. Merci. Ouais. On retourne à Ouest-France avec deux touristes de départ américaines mordues par un chien. Non. Un serpent. Non plus. Un humain. Ah oui, non. Un vampire. Non plus. Un lézard. Mordu. Là, c'est vraiment pour le fun parce qu'il n'y a rien de foufou. Mordues par leur passion pour le surf. Oh non, trop fou. Alors, justement... Un requin. Oui, un requin. Oh, j'ai pris le point. Lors de leur vacances au Bahamas, deux Américaines ont été victimes d'une attaque. Il lui prend le point. Voilà, mordu respectivement. Attends, les deux ont été mordus? Oui. Au niveau de la jambe et du pied, les jeunes ont été rapatriés en Floride. Mais attends, je comprends pas. Pourquoi il en mord une et après il se dit non, c'est celle-ci. Il goûte? Non plus. Ouais, le goût, je pense. Plutôt brune ou blonde? Il goûte les deux. Du coup, la première l'a très mal pris. Parce qu'elle se dit quand même, je m'entretiens. Mais donc la blessure, c'est pas tant la blessure à la jambe, c'est surtout à l'ego qui a été soigné et pris en charge par les... Et ça, c'est beaucoup plus dur à cicatriser. Ah oui, ça oui. Donc ça cicatrise jamais vraiment. L'équipe? Allez, l'équipe. Vous savez qu'il y a un gros problème qui doit se résoudre ou pas entre la Ligue Nationale de Football et DAZN, qui est la société anglaise. Ça se dit DAZN? Oui, ça se dit DAZN. Je savais pas. Ouais, ça s'écrit DAZN. Je l'ai jamais entendu dit, je l'ai juste lu, moi. J'avais jamais lu. Donc, plus. C'est une entreprise anglaise qui a racheté pour 500 millions d'euros pour je sais plus combien de saisons les droits de la Ligue. Jusque 2029. Voilà, c'est ça, pour 500 millions d'euros. Et le patron de DAZN France, alors fustige le manque de moyens, est dans la lutte anti-piratage et il dit, donc c'est toujours dans le titre, lorsqu'on achète une casserole, on ne s'attend pas à avoir quoi? Des trous. Mais encore. Des trous dans la coque. Des trous dans le... On n'est pas loin avec les trous. Hein. Lorsqu'on achète une casserole, on ne s'attend pas à avoir... Des fuites. Des bosses? Alors, des... t'es pas loin avec les trous. Des avaries. Des fuites de trous. Mais... Mais c'est plus... qu'est-ce qui laisse passer des fuites? Des ruissellements. Qu'est-ce qui laisse passer des trous? Voilà, qu'est-ce qui laisse passer des trous? Du vide? Oui, non mais... Que laisse passer le trou? Vous voulez quand même pas que je vous la donne, mon pire? Non, mais que laisse passer la fuite? Alors, je vous le répète, hein, lorsqu'on achète une casserole, on ne s'attend pas à voir... Et là, on s'attend... Une passoire? Oui! Oh, d'accord. Oh, mais il a le point. Oui. Parce qu'effectivement, des trous, une fuite, bah oui. Bah oui, c'est la passoire. Tout de suite, on aurait dû comprendre. C'est casserole. La passoire, oui. En fait, c'est clair qu'une passoire, c'est une casserole à trous. Tout simplement. C'est simplement. Je veux dire, il n'y a pas de... Comment fait-on une passoire? On fait des trous dans une casserole. Voilà, exactement. Tout à fait. Et c'est marrant déjà de qualifier la Ligue 1 en casserole. C'est vrai, c'est pas forcément très. Après, pour moi, il y a quand même plus de passoires que de casseroles en Ligue 1. Hein. des gardiens de but. On en parle. Donc, affaire à suivre parce que ils ont versé la moitié de ce qu'ils devaient déjà verser là et l'autre moitié a été mise sous séquestre. Après, s'ils versent dans une passoire, j'ai l'impression que. On est d'accord. Voilà, les jeux de mots ne s'arrêtent plus, c'est terminé. IKEA renomme toutes ses passoires Ligue 1. Donc, ils sont pas contents que. Y ait... Alors, en fait. Il y a à peu près 500 000 abonnés à DAZN en France et il y a autant, voire plus, de personnes qui regardent illicitement les matchs de Ligue 1 France. Et on les condamne fermement. On les salue pas. Et on les salue pas. On les salue pas. Voilà. C'est pas bien du tout. Dites-le en commentaire. Sachant que DAZN est espéré être à peu près à 1,5 million. Donc on est très très loin du compte. Voilà. Alors il y a des griefs un peu des deux côtés. On va pas rentrer dans le débat. Mais voilà, affaire à suivre. J'en profite, vu que c'est 500 millions, on pourrait peut-être demander aux Danois de se cotiser pour acheter les droits. Ça coûterait moins cher que la Californie, quoi. Ouais. On a deux droits de Ligue 1 pour une Californie. C'est quand même bien, quoi. Bah ouais. C'est quand même une aubaine. J'en ai deux encore, est-ce que j'ai le temps de les faire? Non, c'est même bien plus, en fait. Bref, oui. J'ai encore le oui, temps bien de... sûr, ah, bien sûr, oui, oui, bien sûr. Allez, Le Monde, le journal Le Monde. Il y a beaucoup des États-Unis. J'ai cliqué sur Information Internationale. Il y a beaucoup des États-Unis. Oui, en même temps, choses, Donald est tellement... riche. prolifique en termes d'information. Oui, non, c'est Picsou qui est riche. Enfin, en même temps, c'est son oncle, non? Ouais, oui, donc, okay. Quelque part, avec un abattement au niveau des droits de succession, il devrait avoir touché pas mal. Quand même. Je pense que ça doit être à 45%. Allez, Le Monde. Le bureau ovale, de nouveau, interdit à une journaliste de l'agence Associated Press qui refuse quoi? Ses odeurs corporelles? Bim! Non, pas quoi? Du tout. Mais quoi? Alors, vous puez, madame, vous sortez pas du bureau. Bon, non. Oh, l'odeur. C'est quelque chose d'actualité et dans l'actualité de ce qu'a pu pondre Donald Trump. Elle refuse les pailles en plastique. Non, effectivement, bien. Donald Trump veut ressortir. C'est fini, c'est signé, les... c'est signé. C'est signé. Ah, ouais. Ok, très bien. Ah, c'est pas une histoire d'inclusion, là? Enfin, de... Comment on dit? Tu sais, de fait par qu'il rapport a... au wokisme? Ouais, voilà, c'est non, ça. Non, c'est par rapport... pas par rapport au wokisme. C'est par rapport à un truc qu'il a dit, mais c'était même avant. C'était même pendant sa campagne, je crois, qu'il avait annoncé que, voilà, ça serait comme ça quand il sera élu. Et... Il n'y aurait pas de femme dans le journaliste? Ah non, ce serait abusé. C'est quelqu'un qui respecte profondément les femmes. Rappelle le titre. Le bureau ovale, de nouveau interdit à un journaliste de l'agence Associated Press qui refuse quoi? La cravate. De dire bonjour? De dire quelque chose. De dire... D'utiliser une expression. Je te mets sur la voix. De dire Mr. President? Alors non, mais c'est par rapport à un truc que veut changer Donald Trump et ce journaliste-là s'y oppose. Ah, il refuse de dire golf du Mexique là. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. C'est tout à fait ça. Effectivement, on se rappelle que dans la campagne, Donald Trump avait dit que dorénavant, on dirait pas golf du Mexique, mais golf d'Amérique. Attends, c'est vraiment ça la réponse? C'est vraiment ça. Ah putain, je croyais que c'était une vanne. Ah non, c'est vraiment ça. Il a été refusé pour ça. Le bureau ovale, de nouveau interdit à un journaliste de l'agence Associated Press qui refuse d'employer le terme de golf d'Amérique. Voilà, la Maison Blanche affirme avoir le droit de sanctionner les médias qui ne s'alignent pas sur le décret pris par Donald Trump débaptisant le golf du Mexique. Quelle horreur. Eh ben, dis donc. Il est fort, hein. Un sacré loulou, celui-là. Hein. Ah oui. Allez, une petite dernière. Une petite dernière, bien sûr. On est parti. Alors, c'est encore en rapport avec Donald Trump, mais c'est en Ouganda. C'est sur le site de RFI, Radio France Internationale, si je ne m'abuse. Et Ouganda, 2 points. L'aide américaine suspendue. Les autorités, on se rappelle que USAID, cette ONG publique qui donne de l'argent pour la santé dans le monde, a été fermée par Donald Trump. Et donc, par le biais, toutes les aides à l'international ne peuvent plus être... Ne sont plus assurées. Okay, voilà. Trop bien, ça. Très belle nouvelle. Ouganda, 2 points. L'aide américaine suspendue. Donc, USAID, les autorités demandent au personnel de santé de quoi? Être bénévole? De se débrouiller. Oui! C'est vrai? Ah oui! Ben, en même temps. De travailler bénévolement en Ouganda, l'aide américaine suspendue, les autorités demandent au personnel de santé de travailler bénévolement. S'il vous plaît. À la suite de la décision prise par l'administration Trump de suspendre l'aide américaine à l'étranger pour une durée de 90 jours, le ministre ougandais de la Santé a proposé aux salariés du secteur privé de financement de travailler dans un esprit patriotique en tant que volontaire, le temps de négocier avec Washington. Non, en même temps, c'est tellement difficile. Toutes tes aides et tout qui se font couper, tu te retrouves. Eh bah oui. On commence à voir déjà pas mal. Enfin, moi, je suis assez accro à TikTok. Ouais. Des Américains qui se filme en disant ouais, j'ai voté Trump mais je regrette tellement, et ce sont des anciens salariés de par exemple USAID qui viennent d'être licenciés par l'administration Trump, mais on commence à en avoir pas mal et qui sont très très vus, ces vidéos là. Moi j'ai pas mal de Français qui sont aux États-Unis qui disent on a hyper peur, mais il se passe, c'est un cauchemar ce qui se passe aux États-Unis actuellement. Eh bien personnellement je n'ai aucun témoignage, donc je vais continuer l'émission avec, avec une, le sourire, moi, une petite respiration musicale, et puis on reviendra sur un quiz actu insolite où on parlera un peu moins d'États-Unis, même si quand même tant un mieux, petit peu. Bien. Ce quand même un petit peu. On t'a volé toutes les news. Voilà, non, ça va, j'ai eu peur pendant un moment, mais bah oui. J'ai évité quand même certains titres. On va écouter Ryless avec Ultimatum et on revient juste après pour notre quiz actu insolite sur Fadjet. I've been going down, I've been running inside my mind and I found nothing bright. I feel better when I'm home, it feels like I wanna live forever. Throw my balance in the jungle, pray for me if I ain't getting better. So keep on, keep on running, keep on running, there's the chopper, chopper. So keep on, keep on running, keep on running till you find it funny. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y'all just feeling like a deja vu. Was nobody's friend until I blew. Fake promises, bless me with the truth. Industry repeats this bullshit too, too. I need a lot of space, block your text. Oh, sorry miss, don't want your fat ass in my bedroom, way downstairs. Whoa, back at it again, going through my head. Nah, it won't live, unless I take a pill or I hit the gym. I've been drowning, Cuban dosings. I've been going down, I've been running inside my mind and I found nothing bright. I feel better when I'm home. Like I wanna live forever. Throw my balance in the jungle. Pray for me if I ain't getting better. So keep on running. Keep on running against the chopper, chopper. So keep on running. Keep on running till you find it funny. Trip away, face your face, looking drained every night. I've been playing the evils, faking it, happiness, where you at, chilling now. In the most of the glitter, where I've been drowning, Cuban dosings, I've been going down. I've been running, sound my mind and I find nothing bright. I feel better when I'm home. It feels like I wanna leave forever. Throw my balance in the jungle. Pray for me if I ain't getting better. So keep on, keep on running. Keep on running, it's a chopper, chopper. Ryless avec Ultimatum. La matinale de 18h, l'émission qui est bien. Et pour nos auditeurs qui nous suivaient sur les ondes FM, donc qui ont entendu Ryless à l'instant, parce que ceux sur Spotify ne l'entendent pas, puisque je coupe les sons sur Spotify, sachez que Ryless, on en parlait pendant la pause, c'était censé être une des questions de mon jeu actu qui commence là maintenant. Oh. Mais donc on peut le dire, qu'a fait Ryless pour promouvoir son nouvel album, le rappeur rouennais ? Il a fait moins de rails. Moins de rail, là, oui, d'accord. Rail-less. Oui, non. Ok. Less rail, ok, oui. Ça okay. s'écrit pas comme ça, mais ok. Ok, waouh. Il a couru pendant 24 heures devant des scies, devant des scies rotatives, ouais. Qui était derrière lui, derrière le tapis de course. Voilà, et c'est ça, si jamais streamé. Il n'y arrivait pas. Il était découpé. Complètement découpé. Ça faisait plusieurs rail-less. Oui. Ça avait très rail-less. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, déjà, moi je trouve ça impressionnant de courir 24 heures. Je savais pas qu'on ouais. courait, que des gens couraient 24 heures. C'est non, beaucoup quand même. Non, plus, je savais pas. Bah ouais, c'est 24 tout heures. Il a tourné un clip et tout après. C'est une journée et... quand même. Hein. Plein ouais, ouais, c'est 24 heures exactement. C'est une journée. Moi je dors. Presque, ouais, une journée, ouais, carrément. Voilà, donc on va compter ça comme une question de fait. Alors, ce quiz actu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des questions d'actualité un peu insolites. Et je demande à mes chroniqueurs de, bah, de trouver, hein, de trouver la réponse à cette question et de parfois faire preuve de facétie. Évidemment. Allez. Trop alors, la première, je vous l'ai dit quand même. Une cagnotte a été mise en place pour un gigantesque achat. La Californie. C'était évidemment là, les Danois qui veulent acheter la Californie. Donc, on va partir maintenant en Pays de Galles. Le ouais. Pays de Galles, voilà. Donc, si on dit qui dit Pays de Galles, va évidemment dire... Rugby. Voilà, pas du tout. Donc, on va pas du tout parler de rugby. Whisky. On va parler d'un ingénieur gallois qui s'appelle James Howells et qui a prévu d'acheter une déchetterie. Oui. Ah, ok. Ok, il l'a. Pourquoi? C'est vrai? Alors, attends. Pourquoi on laisse un petit peu Jocelyn chercher. Pour recycler les déchets. Pour être très, très, très, très riche à nouveau. Voilà. Alors, est-ce pour que tu peux très trouver riche. Jocelyn ah pourquoi ouais. Il récupère les métaux rares. Non. Non, non. C'est un code. Déchetterie, c'est un code. Il doit récupérer un code dans la déchetterie. Ah, il y a sa clé NFC ou je sais pas quoi. Non, c'est ça, clé, oui, c'est un peu ça. En fait, il a, il voudrait retrouver son disque dur externe dans la déchetterie sur lequel... Et il y a la clé d'accès de ses bitcoins qu'il a perdu. Il y a je sais plus combien de 700 millions de dollars dessus. Et donc le truc c'est qu'il il s'est battu avec les autorités locales pour avoir la permission d'entrer dans le site qui est désormais fermé parce qu'il va être acheté pour faire je ne sais plus quoi. J'avais noté mais j'ai pas noté d'ailleurs. Et en tout cas, on lui refuse l'accès et donc du coup, bah, il se dit, bah, je vais peut-être du coup acheter le lieu puisqu'il a réussi un petit peu à savoir à peu près où ça serait sur le lieu. Et malheureusement, on lui refuse aussi l'achat. Donc du coup, il est un petit peu embêté. Mais du coup, il l'a racheté ou pas? Non, il va pas le faire. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai compris, ça lui a été refusé le rachat. Mais attends, pourquoi il veut pas on lui refuse l'autorisation d'aller chercher son. On lui refuse. Ouais. Après, moi, je pense que pour ces sommes-là, tu y vas et après tu payes des avocats. En fait, je veux dire, ouais. tu y vas la nuit ou tu trouves ah un stratagème. Tu te rends compte le nombre de tonnes qu'il faut fouiller pour trouver un. Alors petit justement, il y a apparemment, il y aurait, je crois, 10 millions de tonnes de déchets, mais lui, il a réussi à quadriller une zone de 100 000 tonnes dans laquelle son disque dur se trouverait. D'accord. Donc du coup, je pense que bon, oui, c'est vrai que encore bon. Bah, ouais, a priori, après, oui, parce que c'est mis dans un sac. Bon, d'accord, ok. Bon, mais comment on sait comment il l'a perdu, tu sais un peu? Alors, il l'a mis. Je sais toute cette affaire. Il l'a mis dans un sac au moment de son déménagement. Et son coloc l'a pris pour un sac de poubelle, puisque c'était un sac poubelle, et il l'a jeté. Voilà. Et c'est n'empêche, s'il le retrouve, il gagnera plus d'argent parce que sinon il l'aurait peut-être racheté il y a bien longtemps et ça aurait valu moins. Effectivement, c'est voilà. Une technique qu'utilise pas mal de. Parce que quand même, le mec, Bitcoin, il habitait, ouais. il avait plein de bitcoins, mais il était en coloc. Bah oui, mais s'il les a pas vendus encore, ouais. Ouais, c'est ça, c'est de l'argent qui dort. Je sais pas, t'en rachètes un bitcoin pour, je sais pas, 10 000 euros, un truc comme ça pour, c'est 100 000, enfin, bon, mais ouais, ok. C'est 100 000, ok, ouais. D'accord. Voilà, donc en tout cas, on lui souhaite de les retrouver quand même. Bah ouais, hein, carrément. Sinon, oui, une ouais, personne ouais, de, regarder, dormir, hein. De regarder les disques durs de cette déchetterie. À qui va cet argent? Bah personne, ça traîne. Bah, à personne, en fait, puisque ils sont inaccessibles, ils sont perdus, quoi, tant que personne a la clé. Donc c'est le fondateur des bitcoins qui se ramasse. Non. C'est personne, en fait. C'est personne. Personne ne peut y avoir accès. D'accord. Okay. Et pourquoi la clé, il peut pas la retrouver, la clé? Bah, il peut retrouver le disque dur externe, mais il peut pas retrouver le code. C'est un code. Les probabilités de le trouver, c'est. Ouais, c'est un film. Ah oui, c'est, oui, autant jouer au loto. Oui, non, mais même, ça doit être l'équivalent de gagner 10 fois de suite au loto, quoi. Mmh, c'est un truc de fou, quoi. Mmh. Oui. Oui, oui. Voilà, enfin, autant jouer au loto, tu as raison. Mot de passe oublié, ça marche pas. Évidemment, quoi. Mot de passe oublié ne marchera pas pour ce truc-là. Nous ferons peut-être une émission spéciale Bitcoin dans les semaines qui viennent. Alors, on va partir, on va retourner aux États-Unis où que nous avons quitté récemment. Allez. Qui vient de signer Donald Trump. Non, qui vient de signer dans la Hollywood Talent Agency nommée Creative Artists Agency. Donc, on parle d'une agence de presse, star. D'agence de presse, comment on dit? D'agent de star, quoi. Une agence. Dominique de Villepin. Une agence d'agent. Non. Est-ce que c'est un humain? C'est absolument un humain. Ah, ça peut être un animal. Est-ce que c'est un américain? C'est un américain, oui. Est-ce qu'il est déjà connu? Il est connu, oui, oui. C'est une, mais il n'est pas connu. C'est une agence qui d'habitude s'occupe d'Hollywood, de gens qui travaillent à Hollywood. Hein, mais c'est quelqu'un, c'est un homme? C'est un homme. Okay. Et il n'est pas connu pour... ses talents d'acteur? Ouais. Non. C'est un chanteur? Non. Donc il est dans la politique? Oui. C'est ça. Il est plutôt démocrate? Oui. Joe Biden. C'est Joe Biden qui vient de signer dans la Creative Talent Agency. Pourquoi t'as attendu pour te rappeler que Joe Biden est démocrate? Bah parce que je sais jamais, moi. D'accord. Tu vois, il faut que je fasse un petit chemin dans ma tête, genre démocrate égale gauche égale machin. Voilà. donc oui, c'est Joe Biden. Voilà. Wow. Il va peut-être amorcer un nouveau virage à sa carrière. Bah, qu'il se dépêche. Ouais. Parce qu'il a quand même 82 piles. Bientôt la fin du virage là. Effectivement. C'est ça, ouais, c'est la chute assurée. Effectivement. Partons aux Pays-Bas. Oh ouais, j'ai envie de dire. Si vous le voulez bien. Moi aussi, j'aime bien. Partons aux Pays-Bas avec une cliente d'un hôtel qui est revenue dans sa chambre et elle a trouvé quelque chose. Un oursin. Ah bah. Non, et non. C'est un animal. Et oui. Voilà. Un animal de la mer. Oui, parce que c'est un hôtel au bord de mer. Oui. Une huître. Non, un crapaud. Une huître. Non. Une murène. Oui, vivant. Qui faisait la sieste. Un phoque. Non. Un phoque. D'accord. Un phoque, c'est exactement un phoque. Bravo. Oui. Impressionnant. Mise en scène. On te met des petits Twitter, applaudissements. Hein. Merci. Bravo. Superbe, c'était effectivement un phoque qu'elle a retrouvé dans sa... Enfin, c'est plutôt c'est une otarie, c'est ça? Ah. Non, c'est un phoque, c'est un phoque qui faisait la sieste et qui a été très désappointé de se faire, réveiller pendant sa sieste. Pas une cliente. Ça ronfle. Et ça ronfle, oui, ça ronfle. Ça ronfle beaucoup. D'accord, ils vont souvent voir des médecins spécialistes, des ORL. Ah, ils ont des masques exactement, pour l'apnée du sommeil. Ils font de l'apnée, ouais, je crois, il me semble. D'accord. Ils font de l'apnée du sommeil, effectivement. Ils font de l'apnée Bravo. Aussi. Hein. Jocelyn, on va faire une petite respiration musicale, justement, pour faire une petite sieste, une micro-sieste. Et on va écouter, justement, qui dit respiration dit breathe. De Blue Cantrell. Ah ouais. Il y a Sean Paul ou pas dans celle-là? Il y a probablement pas Sean Paul. Oh, mais c'est vrai que aujourd'hui, là, ce soir, les transitions sont incroyables. Ouais, elles sont au peigne. Ouais. Alors, Blue Cantrell, Breeze, et on revient pour la fin de l'émission et du quiz Actu Insolite. Et il y a Sean Paul. So what's that supposed to be about, baby? Girl, free up your vibe and stop acting crazy. Reminisce on all the good times daily. Why you tryna pose like I be acting shady? What's that supposed to be about, baby? Girl, free up your vibe and stop acting crazy. Shine the ball, I give it a good loving daily. Now you tryna pose like I be acting shady. You say you love me, you say you love me, but you never there for me, yeah. Good times daily. Why you tryna pose like I be acting shady? You're only lonely when your homie ain't got a ride or no loot. Yeah. Uh-huh. Then comes the drama. Some other girl is claiming she's going out with you. Mm-hmm. All we do is make up. Then break up. To be about, baby. Can't free up your vibe and stop acting crazy. Breathe. time. Make I make it very clear to you, you're very dear to me. An honor of me share to you, me not unfair to you. Woman, I want to really make you know that I will always draw near to you. But me know me not no fear to you. Me stand up like a man and I'll be okay. There because I care for you. Long time you're telling me not a girl I compare to you. Woman, if you leave me now, I'm gonna shed a lot of tears for you. You want to breathe and still you're not exhaling. Say you want to leave cause this relationship failing. Ain't nobody said that it would be smooth sailing. Girl, I want to know why you're bailing ship, yo. So what's that supposed to be about, baby? Get free up your vibe and stop acting crazy. Reminisce on all the good times daily. Why you trying to pose? I can't be acting shady. Blue Cantrell qui repart. Ok. Allez, pour 3 minutes. Sean Paul. Sean Paul et Blue Cantrell, Breeze. La matinale de 18h, l'émission qui est bien. Oui, je vous mets le même jingle, je sais pas pourquoi, voilà. On a très peu. Comme ça, hein, écoutez. On va continuer et terminer notre petit quiz d'actu. Mm-hmm. On va partir cette fois-ci pour... on va retourner en Angleterre. Dans le, vous connaissez le village de Pinchbeck ? Pas du tout. Non. Vous connaissez pas ? Bah, c'est bien dommage. Non, eh bien, sachez que... Sachez que là-bas, un homme est activement recherché par la police anglaise. Ouais. Dans tout le village de Pinchbeck. Pourquoi ? Dans tout le village. Ah, il arrache les fleurs municipales. Non, mais c'est pas une idée saugrenue au regard de ce que l'on recherche dans cette news insolite. Ça me fait vraiment penser, là, de la manière dont tu présentes le truc, ça me fait vraiment penser au film Hot Fuzz anglais avec Simon Pegg, où il arrive, Simon Pegg est un super flic et il arrive dans un petit village pour régler des problèmes de crottes de caniche ou de choses comme ça. Il fait des incivilités au sein de cette bourgade. Oui. Il met des mots dans les boîtes aux lettres. Non. Est-ce que c'est un truc vraiment très très gentil et Non, c'est pas spécialement gentil. Hein. Il n'aide pas les chats qui veulent descendre des arbres. On n'est pas loin là avec ce que tu dis, mais c'est pas gentil, c'est même. On est dans le territoire du bizarre. D'accord. T'as dit quoi toi avec les arbres ? Il n'aide pas les chats qui veulent descendre des arbres. Alors, et il m'a dit c'est pas loin, mais j'y crois pas. Il y a des chats dans l'histoire ? Il y a des chats dans l'histoire. Il les empoisonne ? Non. D'accord. Ah. Il les mange. Il leur fait du mal. Il les cambriole. Il les vole. Je sais pas si ça leur fait du mal ou pas, mais. Il met du répulsif à chat ? Non. Non, il les embarque chez lui. Non. Il les vole pas. Non, il ne les vole pas, non. D'accord, mais il fait quelque chose avec des chats. Il les tond, exactement. Ah. Putain. C'est un mystérieux tondeur de chats qui est recherché par la police anglaise dans le village de Pinchbeck. C'est trop drôle et horrible. Et on ne sait pas vraiment pourquoi il fait ça. Il leur fait pas de mal du tout, apparemment, mais il les tond, quoi. Il doit avoir des sacrés gants, quand même. Apparemment, c'est une tondeuse à barbe classique qu'il utilise. Alors, je sais pas, mais ça a le chat et le maintenir. Oui, je sais pas. Il doit faire ça un peu comme un salaud, entre guillemets. Hein, oui, ça doit être l'expression, oui, mais ça ne doit pas être fait comme un mouton à laine. Quoi. Comment il s'appelle ce gars ? Alors, on ne sait pas, parce qu'il a cherché. Ah oui. C'est le nom du village. C'est qu'on Pinch. Connaît. Pinchbeck, oui. C'est à Pinchbeck. Tu vas nous faire un petit reportage là-bas ? Non, j'ai envie de voir les photos du chat. D'accord, ok. Toi, dès qu'il s'agit de chat tondu, vous pouvez dire Jocelyn, il est tout de suite là. Hein. Ça, mais c'est... laisse tomber, j'ai trouvé de savoir. Ah, puisqu'on le rappelle pour nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas ta vie privée. Personne ne la connaît. Mais tu as deux chats sans poils. Exactement, hein. Voilà, ouais. Il faut le dire. Qu'on du appelle, coup, appelle des chats comment ? Sphinx. Sphinx. Des sphinx, voilà. Tu as deux sphinx. Et on va désormais partir, je ne vous dis pas où, mais... C'est à nous de deviner. Savez-vous qui a dit tout ce que je... attendez, comment je pose la question ? En tout cas, on ne sait pas où c'est. Non, réfléchis plus. Elle est foufou, cette question. Quelle phrase de... Voilà, c'est bon, je l'ai. Même si j'ai dit le début. Quelle phrase de Zuckerberg a fuité lors d'une réunion audio ? Il y a une réunion audio qui a eu lieu de Meta. Savoir, c'était quoi, ce qui était au bout du fil. C'était une réunion avec Meta, donc une réunion stratégique sur c'est Meta. Au boulot, c'est au niveau du boulot. Et il a dit quelque chose. C'est quelque chose a fuité. Je crois. C'est un truc très dictature, je crois, non ? Non. Là, plutôt, c'est assez Meta, j'ai envie de dire. Ah ouais, c'est sur les fake news ? Non. Meta par rapport à son propre rôle ? Non. Est-ce que c'est Meta par rapport à sa boîte ? Non. Alors. Est-ce que c'est... Donc en fait, on est dans un. On est dans parle un. De quelqu'un ? Comment ? Non, ça parle de quelqu'un ? Ça parle de lui-même. De lui-même. Et c'est, on est dans, donc dans un meeting. Comme quoi il est incompétent. Qui a fuité, donc, du coup. D'accord. Je suis le. Le... Bon, alors le temps que tu finisses ta phrase, est-ce que c'est par rapport à une nouveauté qui doit arriver ? Non, c'est d'accord. Encore une fois, c'est vraiment. Un rapport avec quelqu'un ? Non, c'est pas du tout lié à la politique. Il parle de lui, c'est pas lié à la politique. Il a un cancer. C'est extrêmement méta. Il a un cancer ? Non. Il a un trouble. Il dit qu'il serait bionique. Il s'implanterait des trucs, lui. Il s'afflige une caractéristique. C'est méta par rapport à la question que je vous pose. Ouh là là, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là, vous dites-vous ? Eh bien, dans ce meeting qui a fuité, il a dit quelque chose. Voilà. Alors, en fait, tu veux pas nous dire où c'est parce que ça a une importance. Non, parce que je ne sais pas. Il a dit, ça va fuiter, ça. Hein. Bon, je vais te l'accorder, c'est ça. Il a dit, tout ce que je dis, fuite. Et ça a fuité. Voilà. Et tu voulais qu'on trouve ça ? Oui. Bah, j'ai trouvé ? Oui, d'accord. En fait, je trouvais ça marrant. C'est marrant. Et c'est marrant parce qu'en plus, c'est méta, comme on dit. Voilà, c'était. C'était la dernière. Mark Zuckerberg, voilà, la dernière question. Bravo à vous. On va Merci vous mettre beaucoup. Un petit applaudissement. Oui, on prend. Oui, c'est des choses qu'on apprécie. Voilà. C'est plaisant. On va se mettre le générique de fin. Non. Ok, d'accord. Tati, tata, param, tata. C'est quand même une bonne musique, hein, ça. Une musique de fin, on aime beaucoup. Je l'ai toute la soirée après dans la tête. Ah oui, bah ouais. Moi de 18h à 18h30, je pense. Presque. Ah oui. Donc une belle partie ça de la soirée. Au bout de 15 jours et hop, l'émission. Et voilà, elle revient. Puisque effectivement, c'est dans 15 jours que nous reviendrons. Mais non. Le 13 plus 14, 27 février, la veille du spectacle. Du spectacle du Split que je ferai à Lillebonne et du spectacle seul en scène à Arouet de Tristan. Absurde. Et la prohibition, la soirée prohibition. Non, voilà. Donc le lendemain de notre prochaine émission, il y aura une actualité dantesque, j'ai envie de dire. Oui. On aura peut-être le retour de Caro qui reviendra pour la prochaine émission. Caro, le plaisir. La semaine prochaine. Hein, comme d'habitude, on se fait une petite voisinade. Super. Bah, dis donc, super la pub. Bravo. Avec Guélon, ouais. Camille et Mélie. Quant à nous, on peut se retrouver sur Spotify, sachez-le. Alors, le dernier épisode a été malheureusement... Pas mal streamé, non, je crois. Non, pas très peu streamé, puisqu'il a été striké, malheureusement. Non. J'ai fait une petite erreur, j'ai oublié d'enlever les musiques. Voilà, je le ferai pour la prochaine fois. Et vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de l'émission, où Tristan vient de mettre la fiche de son spectacle, c'est ça ? Non, une photo de nous. Ah, j'ai une photo de nous. Oui, j'ai mis une photo de nous là. Et voilà. Tu mettras la fiche de ton spectacle aussi, peut-être. Oui, je vais faire ça. Bah et ouais. Puis, si vous voulez, les gens qui veulent y aller, réserver votre place, vous pouvez aller sur ma page Tristan Mangeau et puis vous avez le lien Hello Asso voilà. Pour réserver. Bah, la première est à Arouet et puis après c'est un peu partout à Nancy. Ouais, ça commence à se faire pire. Autour de Nancy. Prenez vos places. Quant à nous, donc dans deux semaines, on vous laisse avec la suite des programmes de Fadjet. Allez. Et on vous souhaite. La bonne soirée à tous. Ciao, bisous, ciao. Bisous.